Au milieu des tribus, tu prends une famille. Tu mets ta main sur leur destinée. Tu les appelles pour servir ton sanctuaire, porter ta présence éveillée. Ils ne reçoivent un territoire, mais un service près de l'autel. Leur héritage n'est pas la terre, leur part c'est toi, Dieu éternel. Tu rappelles à chaque génération que servir est une vocation. Que plus proche de la tente sacrée, c'est plus proche de ton cœur blessé. Tu mets à part des cœurs pour te servir, ceux qui vivent près de ta maison. Tu fais de leur vie un ministère, une offrande, une consécration. Tu mets à part des cœurs pour te servir, non pour la gloire ou la position, mais pour garder le feu sur l'autel et honorer ton nom. Tu les confies au fils d'Aaron, tu relis service et sacrifice. Tu montres que l'œuvre du temple monte des mains et un office. Et aujourd'hui tu continues d'appeler des hommes, des femmes à se tenir près de ta présence, à vivre pour animer la flamme. Tu mets à part des cœurs pour te servir. Oh, tu mets à part des cœurs pour te servir. Ceux qui vivent près de ta maison, tu fais de leur vie un ministère, une offrande, une consécration. Tu mets à part des cœurs pour te servir, non pour la gloire ou la position, mais pour garder le feu sur l'autel et honorer ton nom. Si tu le veux, prends aussi ma vie, fais-en un service pour ton cœur.